depuis que tu n'es plus là. Une partie de moi est partie. Ça te ferait sourire si tu voyais, je me fais critiquer par qui. J'aimerais tellement que tu m'entendes. Quand ils m'attaquent, j'aimerais tellement que tu me défendes. Et même ceux qui me soutiennent, tout ce que t'as fait pour eux, est-ce qu'ils s'en souviennent? Quand je t'entends ou te parler sur ta messagerie, je fais que rappeler. Ma tête me dit de l'accepter, mais mon cœur veut te ramener. Moi, j'espère voir ton nom quand j'entends ma sonnerie. Vas-y, des fois j'évague, je raconte que des conneries. Mais ils connaissaient tous le chemin de la maison. Maintenant ils font tous des slaloms. Même les plus grands des gaillards, je les vois comme des salopes. Quand je t'entends ou te parler sur ta messagerie, je fais que rappeler. Ma tête me dit de l'accepter, mais mon cœur veut te ramener.